Bonjour mes frères et sœurs de Val-d'Or, et encore ce matin, nous allons continuer ensemble l'étude de l'Apocalypse. Nous sommes déjà rendus au chapitre 17, et nous allons voir ce matin la fin de la grande prostituée. Prions ensemble, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, comment c'est rassurant de savoir que le monde n'est pas le produit d'une explosion sans intelligence, n'est pas le produit du hasard, n'est pas le produit non plus de la loi du plus fort, mais le monde vient de toi. Tu es le Créateur. Et c'est toi qui contrôle le monde dans lequel nous vivons. Rien n'arrive ici-bas que tu ne le veuilles, que tu ne l'aies planifié, organisé. Parce que tu as un but, tu as un plan bien déterminé avant la fondation du monde. Et tu ne laisseras jamais qui que ce soit ou quoi que ce soit changer ton plein, car il est parfait. Et quand nous parlons du monde, on peut le rendre très personnel et disant que c'est la même chose pour nos vies à chacun de nous. Peu importe ce qui nous est arrivé dernièrement, peu importe ce qu'on nous a dit qui pourrait arriver dans nos vies, tout est sous ton contrôle. Non pas pour notre bonheur, mais pour ta gloire, ce qui fait notre bonheur. Dirige-nous ce matin, pendant que nous allons contempler la manifestation de ta sainteté, de ta souveraineté, de ta puissance contre ceux qui s'élèvent contre toi et contre ton peuple. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Donc, permettez-moi de résumer, parce que je ne sais pas combien d'espace vous avez en chaque vidéo. Donc, il est bon qu'on se répète le contexte dans lequel nous étudions. Parce que le chapitre 17, il est entouré de 22 chapitres de l'Apocalypse. 16 avant et 5 après. Donc, c'est vraiment là que nous devons comprendre quelle est sa place dans l'ensemble. Et Dieu a décidé d'écrire à l'Église du temps de Jean afin de la stimuler à persévérer, de la stimuler à garder foi en lui et d'adorer seulement que lui. Et il avertit les Églises qui se sont éloignés de lui, qui l'ont abandonné, qui l'ont rejeté, qui ont adhéré à des doctrines de Satan, qui sont devenues mortes, de se repentir. Sans cela, peu importe le nom qu'ils se donnent, ils recevront le même jugement que le monde. Et nous avons vu que au chapitre 4, 5, que le trône dans le ciel, le trône de Dieu, le trône de l'agneau sont en contrôle de tout ce qui se passe. Nous voyons au chapitre 6 l'ouverture de ces premiers sceaux. Et nous avons vu au chapitre 7 un délai à temps avant de faire mal à la terre, parce que nous n'avons pas fini de marquer du sceau ceux qui lui appartiennent à Dieu, ceux qui doivent recevoir une robe blanche de la part de Dieu. Mais quand le nombre est complet, quand le temps est arrivé, À partir du chapitre 8, nous avons vu la manifestation de la colère de Dieu qui augmente de chapitre en chapitre. Nous avons vu l'ouverture des sept trompettes. Et nous avons vu que pendant ce temps-là, le monde sur la terre ne se repent pas, mais leur colère augmente contre Dieu. Et nous avons vu au chapitre 9, 10, 11, 12, la colère de Dieu qui se manifeste à travers les deux témoins, à travers toutes sortes de plaies qui arrivent sur la terre. Et nous avons vu au chapitre 14, 15, 16, l'ouverture des sept scoops de la colère de Dieu qui va se manifester contre ceux qui ont pris le sceau de la bête, contre ceux qui se sont rebellés contre Dieu. On a vu ça ensemble. Et là arrive le chapitre 17. Il va parler d'une femme qui est la mère de toutes les prostituées de la terre. Et pour qu'on comprenne, la femme dans l'Apocalypse est souvent le symbole des fausses religions, comme on va voir ici. Elle s'est abreuvée du sang des saints. Il parle de sa débauche spirituelle. Donc, nous allons voir la fin de ce mouvement, de cette organisation, de ce monde religieux qui s'est élevé contre Dieu, qui a parlé contre Dieu, et Dieu va mettre fin à cela. Donc, nous allons lire ensemble à partir du chapitre 17, verset 1. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans le désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, de parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand elle sera venue, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un huitième roi. Elle est du nombre des sept. Elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Ils la dépouilleront et la mettront à nu. Ils mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et donner la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Comme tous les autres chapitres, il y a plusieurs interprétations à travers l'histoire de l'Église. Mais on va essayer d'emmener le chapitre 17 avec le restant de l'Apocalypse qui veut encourager les saints à persévérer, qui veut amener l'Église rebelle à se repentir et à donner gloire à Dieu, à se prosterner et adorer Dieu seul, le Créateur et le Sauveur du monde. Donc, Jean dit qu'il voit un ange au verset 1, un des anges qui avait tenu les sept coupes de la colère de Dieu, il vient et il dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et là, il dit que pour l'identifier, cette femme, cette grande prostituée, il dit que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Je ne crois pas qu'on parle de débauche sexuelle comme de débauche spirituelle, comme le restant de l'Apocalypse. Et il dit aussi que c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, tous les habitants de la terre, avec les rois de la terre, ont fait un pacte avec la prostituée. Ils se sont débauchés spirituellement. Ils se sont éloignés de Dieu. Une prostituée, c'est pas une femme qui couche avec son mari. C'est une femme qui couche avec le mari d'un autre ou un homme qui n'est pas son mari. Ici, il dit que la terre s'est débauchée. Elle a rejeté son mari qui était Dieu, son créateur, son maître, son seigneur. Elle l'a rejeté et elle s'est prostituée avec d'autres, avec une prostituée, avec un autre mouvement religieux, avec un autre Dieu. Et là, pour qu'ils comprennent bien, il transporte au verset 3, il transporte Jean dans le désert, et là, Jean voit une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, il voit, vous avez probablement déjà vu, des photos de cette femme qui est assise sur une espèce de léopard avec 7 têtes et qu'elle a une coupe dans ses mains et elle est comme ivre. Elle représente tout ce qui est contre Dieu, tout mouvement religieux qui est contre Dieu. Cette femme, elle est parée d'or, parée de pierres précieuses et de perles. Elle tient à sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. C'est elle, la mère de toutes les prostituées. On l'appelle la Grande Babylone. On va voir la prochaine fois, chapitre 18, la fin de la Grande Babylone aussi. Mais la Grande Prostituée et la Grande Babylone, c'est deux choses ensemble. C'est deux organismes qui fonctionnent ensemble. Mais en même temps, c'est la même chose. L'un ne va pas sans l'autre. Mais on la reconnaît ici parce qu'elle est ivre du sang des saints. Donc, si vous cherchez, à travers l'histoire, un mouvement religieux qui a souvent soulevé les masses contre l'Église, contre les croyants, contre les enfants de Dieu, vous allez probablement trouver la grande prostituée, la grande Babylone. Mais Jean, quand il la voit, il est étonné. Il est étonné de voir cette femme-là. C'est comme si Il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ce que ce soit elle. Qui est-elle? Et là, il y a toutes sortes de spéculations. C'est qui? C'est quoi? Et là, l'ange donne encore quelques informations. Donc, elle est riche, très riche, au verset 4. Elle a beaucoup de pouvoir parce qu'elle a 7 têtes et 10 cornes. Elle est la mère de toutes les prostituées du monde. C'est elle qui a suscité, qui a poussé toutes sortes de mouvements religieux à travers le monde. Toutes sortes de mouvements faux sont sortis de elle. Elle était la mère de plusieurs mouvements religieux qui se sont détournés de Dieu aussi à cause d'elle. Elle est celle qui a s'est acharnée contre la vraie Église, contre le sang des témoins de Jésus. Et au verset 7, il dit, « Je vais t'expliquer le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. » Et là, il dit au verset 8, « La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre et ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. » C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc, 7 têtes sont 7 collines ou 7 montagnes sur lesquelles la femme, elle est assise. Donc, cette grande Babylone, cette grande prostituée, elle est assise sur 7 montagnes. Mais c'est aussi 7 rois, ces 7 têtes-là, qui vont partager leur pouvoir avec la bête pendant 1 heure. Mais cette bête-là, il dit au verset 8 qu'elle est montée de l'abîme. L'abîme, dans l'Apocalypse, c'est un repère de démons. C'est la place de Satan. C'est là qu'on voit qu'on vend l'abîme, qu'il y a des démons qui ont sorti pour faire souffrir la terre pendant 5 mois. C'est la place des démons. C'est la place du diable. C'est le repère de tout ce qui est contre Dieu. Et elle était là, elle est sortie. Mais elle va retourner à la perdition. Ça, c'est la bête. Vous vous souvenez qu'il y avait une bête qui était sortie de l'abîme? Puis il y avait une bête qui était sortie de la mer, puis une bête qui était sortie de la terre. Donc, cette femme, elle est assise sur une bête qui a des pouvoirs, qui a fait alliance avec 7 rois. Donc, cette grande prostituée qui représente les mouvements religieux a fait une alliance avec une bête. Ils travaillent ensemble pour un temps. Et à un moment donné, au verset 14, on va voir tout à l'heure, elle va s'affilier pour combattre contre l'agneau. Comment est-ce qu'on peut savoir c'est qui ça? Est-ce qu'on peut savoir? Plusieurs ont fait des pronostics. Mais les premiers chrétiens qui ont reçu l'Apocalypse, à quoi ont-ils pensé? Quelle était la grande ville dans ce temps-là? Quelle était la grande ville qui était située sur 7 montagnes ou 7 collines? C'était Rome. C'était Rome. Et Rome était le centre du monde à ce moment-là. Et c'est Rome qui était la mère de tous les vices. C'était Rome qui était... C'est elle, Rome, finalement, qui va commencer l'Église universelle, qu'on appelle. L'Église romaine, catholique, qui veut dire universelle. C'est elle qui va vouloir implanter sa religion dans le monde entier, qui va devenir la mère de toutes les prostituées. C'est elle qui est devenue un État. C'est elle qui est devenue un pays en soi. C'est elle qui a fait alliance avec beaucoup de rois. Si elle, qui à travers l'histoire depuis 2000 ans, a géré le monde en grande partie, par toute sa puissance, par toute sa richesse, par toutes ses pactes qu'elle a faites. Je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que tant de rois qui vont à Rome, qui vont visiter le pape, qu'est-ce que le pape a à faire avec ces grands hommes d'État? Souvenez dans la vision de Daniel, dans les quatre grands royaumes de la terre, vous avez vu Babylone, vous avez eu les Mèdes et les Perses, vous avez eu les Grecs, et vous avez le dernier royaume, qui est un mélange d'argile et de fer. Et c'est le dernier royaume. Il n'y en a plus après cela. Il n'y en aura jamais plus. Et la grosse roche qui se détache de la montagne tombe sur les pieds. Ça veut dire que la roche va intervenir pour détruire les royaumes de la terre à la fin des temps. Au moment où le royaume d'argile et de fer va avoir pris place. Et je crois, personnellement, c'est ça dont on parle ici. Cette alliance entre la politique et la religion. Cette alliance qui va se faire entre les deux. Pour s'unir et prendre puissance et prendre force et prendre racine et prendre contrôle du monde. Contre Dieu, contre l'agneau. Elle veut conquérir le monde par la politique et par la religion. Et on a lu tout à l'heure, on va le voir, que la première bête, la bête sur laquelle elle était assise, avec laquelle elle a fait un pacte, va se virer contre elle puis va la détruire. Je crois que les premiers chrétiens pouvaient pas faire autrement, dans ce temps-là, que de voir Rome comme étant la cible des prophéties de Jean et de Dieu. C'est elle, Rome, qui contrôlait le monde dans lequel l'Église vivait. C'est elle, Rome, qui s'attaquait à l'Église constamment, qui s'abreuvait du sang des saints à ce moment-là. Et c'est elle, pendant des centaines et des centaines d'années, qui va persécuter l'Église jusqu'à aujourd'hui. C'est elle qui va faire plus loin les croisades contre l'Église. C'est elle qui va s'acharner contre l'Église pendant toute l'histoire de l'Église. Plusieurs pensent que l'Empire romain est arrêté. Ils la pensent morte, mais elle n'est pas morte. Elle contrôle. On serait surpris, on serait très surpris de savoir tout ce que l'organisation de l'Église catholique est contrôle, économiquement parlant, politiquement parlant, tout ce qu'elle contrôle dans le monde. On serait étonné de son pouvoir. On serait étonné de son pouvoir. Et c'est pour ça que je crois que Jean est étonné. Parce que l'Église catholique n'a pas commencé parmi l'islam. L'Église catholique n'a pas commencé en sortant du bouddhisme. L'Église catholique a ses racines dans le christianisme, dans ce que Jésus avait commencé. Mais elle s'est détournée de cela. On n'a pas le temps de tout se lancer là-dedans ce matin. Mais je crois que c'est de cela qu'on parle ici. D'une église, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais l'important ici, c'est qu'on voit qu'il y a une bête politique, la première bête qui est sortie de l'abîme. Et une prostituée, la mère de toutes les religions du monde, qui font une alliance et qui finalement vont se lever au verset 14, ils vont se battre contre l'agneau et contre les disciples de l'agneau, contre les saints, contre les disciples de Jésus-Christ. L'important, c'est pas d'être convaincu à 100% que je peux interpréter tous les petits détails de la prostituée. Mais l'important, c'est de comprendre qu'il ne faut pas adhérer à cela. Il ne faut pas y donner notre foi et notre adhérence. Il faut rester attaché aux paroles reçues des apôtres et de Jésus-Christ. Il faut rester attaché à Jésus, coûte que coûte. Peu importe qu'est-ce que ça coûte. Peu importe qu'est-ce que les gens vont dire. Peu importe ce qu'on nous propose. Peu importe qu'est-ce que ça va coûter. Il faut rester attaché à Jésus. Parce qu'il est bien dit au verset 14 que ce système politique et religieux va s'attaquer. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc, tout à l'heure, il dit, il avait dit au verset 8, « Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. » Donc, ici, ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie, et ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ, c'est les mêmes. C'est, ils vont vaincre le système. Ils vont vaincre la bête et la prostituée. Non pas parce qu'ils sont des super spirituels. Non pas parce qu'ils sont dans un mouvement religieux quelconque. Mais parce que leur nom a été écrit dans le livre de la vie et qu'ils sont restés attachés à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va vaincre la bête et la prostituée. C'est pas moi. Moi, je vais les vaincre, vaincre la bête et la prostituée parce que je suis avec Jésus-Christ. Moi, je n'ai aucun pouvoir en moi-même, je n'ai aucune capacité en moi-même. Mais du fait que je suis avec le roi, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui va combattre. On va le voir au chapitre 20-21, qui va combattre les ses armées avec son épée, et c'est lui qui va faire la guerre. Nous, on est là comme spectateurs, on est avec lui, mais on est spectateurs de sa gloire, de sa puissance, de son autorité. Et c'est lui qui va les vaincre. C'est lui qui va donner victoire contre la bête, contre la prostituée. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous affiliez pas avec elle. Ne vous affiliez pas avec les Nicolaïtes. Ne vous affiliez pas avec les Jézabels. Ne vous affiliez pas avec la bête et son système. Ne prenez pas la marque de la bête. Ne m'abandonnez pas. Moi, votre premier amour. Parce que si vous le faites, je vais vous détruire avec eux. Restez attachés à moi. Et vous allez vaincre avec moi. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. De rester attaché à Jésus-Christ et à son évangile. Il dit au verset 15, « Les eaux que tu as vues, parce qu'on avait vu la femme, était assise sur une bête et c'était sur une grande étendue d'eau. Il dit, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Donc, c'est tous les peuples de la terre. Cette bête et cette prostituée rassemblent toutes les langues, tous les peuples de la terre pour combattre contre l'agneau. Mais regardez bien au verset 16, c'est ce qui arrive. « Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. » Pourtant, pour un temps, est assis sur la bête. Mais il l'utilise, la bête, à ses fins. La bête utilise la prostituée à ses fins. Elle veut que le monde entier adore la bête et le diable. Donc, elle utilise la prostituée pour emmener les gens dans la débauche. Une prostituée, en général, c'est une femme séduisante, en général. C'est avec ses charmes qu'elle attire les amants qu'elle veut avoir. Donc, cette bête-là va séduire les nations, va attirer les nations à se tourner vers elle et vers la bête et son image et vont l'adorer. Mais à un moment donné, quand le but est atteint, les dix cornes, qui sont des rois, et la bête, qui est sortie de l'abîme, vont se tourner contre la prostituée pour la dépouiller et la mettront à nu. et mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Pourquoi vont-ils faire cela? Oh, dans leur cœur, c'est méchanceté. Et on a vu qu'elle était très riche, cette prostituée-là. Donc, ils vont s'accaparer de ses richesses. Du côté humain, c'est de la convoitise, c'est de la colère, c'est de la haine, c'est de la convoitise. Mais la raison fondamentale, au verset 17, « Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein. » Le plan de Dieu, c'est de détruire, mettre une fin à la grande prostituée. Il va utiliser la bête et toute son organisation pour mettre fin à la grande prostituée. Et tout le pouvoir qu'avait la grande prostituée va être remis à la bête, au verset 17. Un même dessein est de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, Dieu exécute son dessein, c'est Dieu qui met à cœur à ses hommes de détruire la grande prostituée, de s'accaparer de tout son pouvoir et de son argent. Afin que s'accomplissent les paroles de Dieu, Dieu avait dit, on va le voir plus loin, que Dieu avait dit qu'il vengerait ses enfants, ses élus, ses disciples, de cette grande prostituée qui les avait fait souffrir depuis des millénaires. Et au verset 18, il dit, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande prostituée, c'est la grande ville qu'on va voir la prochaine fois, cette grande ville qui est Babylone la Grande. Cette grande ville qui était le siège de la grande prostituée. Parce qu'elle est assise sur les sept colonnes, sept montagnes, vous vous souvenez? Le moindrement qu'on lit l'histoire de l'Église, l'histoire du monde et l'histoire de l'Église en parallèle, on voit toute l'autorité que Rome avait. Depuis que l'Empire romain a pris pouvoir 400 ans avant Jésus, ou à peu près, si je ne me trompe pas, elle a contrôlé le monde par la guerre, par les soldats, par toutes sortes de façons. Et ensuite, elle a contrôlé le monde par la religion. C'est impressionnant quand vous lisez l'histoire de voir que les rois de tous les royaumes viennent à Rome pour solliciter des permissions à l'Empire romain situé à Rome. Dans quelqu'un es-tu? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Dans quelqu'un suis-je? Suis-je attaché à l'agneau? Suis-je attaché à l'agneau? Est-ce que je garde la vérité telle que transmise par les apôtres? Ce matin, j'écoutais quelque chose sur YouTube, un prédicateur américain qui répondait à des questions de quelqu'un qui semblait pas croyant. Et il lui demandait, il dit, si je vous comprends bien, comme ça, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont bouddhistes, ceux qui sont hindous, les autres, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Et j'aurais voulu qu'il réponde clair, mais il répondait pas, il tournait alentour du pot. Puis là, au lieu de dire qu'ils vont en enfer, ils vont être sans Jésus, puis là, je peux pas répondre, tout ce que Dieu sait, moi je sais pas tout. Puis il voulait pas dire, si quelqu'un rejette le Christ, comme les apôtres prêchaient, si quelqu'un est sans Christ, il est destiné à la colère de Dieu. On veut, aujourd'hui, je dirais, on veut emmener l'Évangile d'une façon telle que personne ne va nous en vouloir, que je crois qu'il faut être rempli de compassion, de miséricorde, de bonté quand nous prêchons l'Évangile, mais nous devons dire la vérité. Comment vont-ils pouvoir être sauvés s'ils n'entendent pas la vérité? N'est-ce pas? Donc, Jean ici, ou Dieu par Jean, dit à l'Église, aux sept églises, « Gardez la foi en moi. » Ne m'abandonnez pas, ne me rejetez pas. Ne soyez pas des tièdes, parce que je vais vous vomir de ma bouche. Regardez à Christ et maintenez la foi en Christ. Oh, ça peut nous coûter quelque chose. Je crois que ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous emmener à voir des choses. Ça va nous emmener de la souffrance de toutes sortes de façons. N'oublions pas, nous sommes dans un monde de ténèbres. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Faites ce que vous voulez, que je fasse ce que je voudrais. La lumière n'aimera jamais les ténèbres. Excusez, les ténèbres n'aimeront jamais la lumière. Et la lumière ne sera jamais mélangée avec les ténèbres. La lumière, elle, elle éclaire les ténèbres, elle veut faire fuir les ténèbres. Elle ne fait pas d'alliance avec les ténèbres. Les ténèbres ne font pas d'alliance avec la lumière. C'est ce qu'on voit ici. Mais la bête, la prostituée veulent emmener le monde à rejeter la lumière que Dieu prêche par l'Église et à se tourner vers les ténèbres afin d'avoir la santé, la prospérité, avoir tout ce qu'ils veulent avoir dans le fond. Frères et sœurs, nous savons, vous savez comme moi, que c'est maintenant qu'il faut nous prendre notre décision. Après la mort, vous savez comme moi, il n'y a pas de purgatoire, hein? Il n'y a pas de deuxième chance, comme certains mouvements disent, après la résurrection. C'est maintenant le jour du salut. Si vous entendez sa voix, tournez-vous vers lui. Donc, je dois, moi, voir ma propre vie, puis évaluer où est-ce que je suis rendu, évaluer ce que j'ai entendu, évaluer ce que j'ai prêché, évaluer ce que je crois, évaluer ce que je comprends dans les Écritures. Est-ce que je garde la vérité? Faut pas penser, dire, non, non, moi, je suis dans la vérité, il n'y a pas de problème, je suis sûr que je suis là, je n'aurai jamais de problème, j'abandonnerai jamais. Les sept églises, 70 ans ou à peu près après Jésus, sont déjà dans le bourbier de la fausse doctrine. Des Nicolaïtes, des Jézabel, des Balaam. C'est déjà dans l'église. Faut pas penser que nous, aujourd'hui, on est tous à l'abri de tout cela. Il faut tout le temps veiller, prier pour ceux qui vous enseignent, prier. Sondez, étudiez, lisez, afin que l'Église dans laquelle on est puisse garder la vérité telle qu'elle a été transmise. Non pas la changer, non pas la diminuer. Le but, ce n'est pas de sauver du monde à tout prix. Le but, c'est de proclamer l'évangile de la gloire de Dieu afin que Dieu soit glorifié à tout prix. Et en faisant cela, les élus vont adhérer. N'ayons pas peur de dire la vérité. Comme je dis, avec amour, avec compassion, avec miséricorde, avec douceur. L'apôtre Pierre dit, soyez prêts avec douceur, avec humilité, laissant comprendre aux gens à qui nous prêchons. Hey, j'étais comme toi, j'étais là avec toi, dans ce monde-là, moi aussi je comprenais rien, mais par la grâce de Dieu, j'ai adhéré à l'Évangile. Et depuis ce temps-là, par la grâce de Dieu, je me maintiens de l'Évangile. Frères et sœurs, un jour, cette grande prostituée-là, qui a persécuté l'Église de tous les temps, va être détruit. Nous la vaincrons en Christ, par Christ, lui qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré à quel point l'agneau est puissant, à quel point il est le Seigneur des Seigneurs, à quel point il est le Roi des Rois, à quel point il promet avec certitude, avec force, qu'il va vaincre la bête et la prostituée. Et nous sommes avec lui, nous sommes ses disciples et ses enfants, en autant que nous retenons la vérité proclamée par Jésus premièrement et par les apôtres à la suite. Seigneur, donne-nous cette, si je pourrais dire, cette crainte sainte de toujours chercher à comprendre et à vérifier, à contre-vérifier. Suis-je dans la vérité? Gardons-nous la vérité? Avons-nous la vérité? Proclamons-nous la vérité? Afin que notre Dieu soit glorifié et que les élus puissent être sauvés. Au nom de Jésus.